Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'aventure de l'Avro Arrow, joyau canadien de l'aéronautique. Les gars, là, nous avons nommé le jour Vendredi Noir, parce que c'est un fin d'un rêve pour nous. Quand le gouvernement de John Diefenbaker met fin au programme de développement de l'avion Avro Arrow en 1959, c'est la commotion dans le monde de l'aéronautique. L'ingénieur Colin Wrong fait partie des 14 000 travailleurs qui perdront leur emploi à la suite de cette décision. Mais pour lui, la fin du CF-105, l'Avro Arrow, c'est effectivement surtout la fin d'un rêve, celui de fabriquer au Canada un avion militaire supersonique de pointe. Considère que la décision de construire l'avion Arrow fut d'abord une décision excessivement fausse, basée sur des prémices qui n'étaient pas valables, et ceux qui décidèrent de bâtir cet avion-là le firent véritablement avec beaucoup d'imprudence. C'est un avion qui pouvait voler à faible altitude, qui pouvait difficilement même rejoindre l'altitude maximale que pouvaient atteindre les bombardiers ennemis ou supposés ennemis, laquelle altitude était déjà d'ailleurs connue. En plus, cet avion, le Arrow, pouvait rester dans les airs à peine une heure. Ce qui voulait dire qu'une fois lancé, il fallait qu'il revienne tout de suite. Tous ont dit non. Alors finalement, le père Diefenbaker a été obligé de faire sa décision et d'annoncer que l'Arrow, enfin, était mis de côté. Pourtant, il se trouve encore des gens qui, maintenant, à notre époque, disent que l'Arrow était un avion en avance sur son temps, que si on en avait équipé les forces canadiennes, on n'aurait pas besoin, à l'heure actuelle, d'envisager de dépenser. Moi, ça, je peux vous assurer que ceux qui parlent de la sorte sont mal informés. Parce qu'enfin, ce qui était ultra-moderne dans le temps, c'est-à-dire l'histoire de l'Arrow, serait aujourd'hui désuet et obsolescent, savez-vous, au point maximal. L'ancien ministre de la Défense sous le gouvernement de John Diefenbaker, Pierre Sévigny, à l'émission Présent en juillet 1978, pour nous raconter cette folle aventure de l'Avro Arrow, mon invité Stéphane Roussel, qui est spécialiste des questions géopolitiques et militaires, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. Stéphane Roussel, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Le ministre Sévigny, des années plus tard, donc l'ex-ministre Sévigny, qui tente de justifier l'abandon du CF-105, avec le recul, Stéphane Roussel, que peut-on dire de cette décision de 1959 par le gouvernement de Diefenbaker? L'erreur a-t-elle été d'abandonner la production de l'Avro Arrow ou au contraire de l'avoir démarré? La réponse, je pense, c'est ni un ni l'autre. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles le programme va évoluer, il évolue de 1949 jusqu'à 1959, il est annulé en 1959. Les conditions dans lesquelles il évolue changent au cours de cette période de mise au point. Il y a une série de facteurs qui s'ajoutent dans l'équation, qui s'ajoutent et qui font que le calcul initial qu'on a fait n'est pas du tout le produit auquel on arrive. Deuxième chose qu'il faut dire, le Arrow, c'est une histoire qui est très connue au Canada, surtout au Canada anglais, mais qui est loin d'être la seule. C'est-à-dire que le nombre de grands programmes militaires abandonnés, non seulement au Canada, mais surtout aux États-Unis ou chez les grands producteurs d'armes, il est énorme. Ouais. Ce n'est pas... La production, c'est pas atypique. C'est pas, au contraire, même, c'est presque emblématique. C'est-à-dire que la production des systèmes d'armes complexes et qu'on veut à la pointe de la technologie, à la fine pointe de la technologie, ce sont des processus extrêmement compliqués, extrêmement lourds, qui sont sujets à toute une série d'aléatoires d'ordre politique, stratégique, économique, technologique, sur lesquels on perd facilement le contrôle. Ouais. Donc, en 1949, c'était une bonne idée probablement de le lancer. C'était peut-être une bonne idée de l'arrêter aussi en 1950. Ça, c'est intéressant. Puis on va revivre donc dans les minutes qui viennent cette évolution, ce parcours de l'Avro Arrow, qui a quand même suscité beaucoup d'espoir, puis qui est probablement pour les maniaques encore aujourd'hui une espèce d'avion mythique dans le domaine de l'aéronautique, avion canadien évidemment. Revenons au début, puisqu'en 49, c'est probablement une bonne idée. Parlons du contexte dans lequel on se dit il faut un avion comme celui-là. D'abord, il faut remonter juste avant la Deuxième Guerre mondiale où déjà il y a une industrie aéronautique canadienne relativement développée, parce que le Canada, c'est un pays qui se prête bien à ça. C'est surtout de l'aviation de brousse qu'on a, des petits avions qu'on construit. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, cette industrie aéronautique prend énormément d'ampleur. Le Canada produit 16 000 avions au cours de la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement des avions d'entraînement, des avions des bombardiers, notamment des bombardiers Lancaster, et des hydravions. Par contre, ce que les Canadiens ne produisent pas, et ça, ça va avoir une importance pour la suite de l'histoire, ce sont des chasseurs, donc des intercepteurs. Et les Canadiens ont de la difficulté à s'approvisionner auprès des Britanniques, et donc pour avoir leur l'équipement nécessaire. Et ils vont se jurer, certains vont se jurer que plus jamais le Canada va se faire prendre comme ça, à dépendre de ses alliés. Une des compagnies qui est mise à profit au cours de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Victory Aircraft, en fait, qui est une compagnie de la couronne qui va être créée donc, pour remplacer des compagnies qui étaient inefficaces dans la production d'avions et qui, à la fin de la guerre, en 1945, le gouvernement canadien a moins d'intérêt donc, à posséder une industrie comme cela. Il va la mettre en vente et celui qui est intéressé à l'acheter, c'est la compagnie Avro britannique, donc qui produisait elle-même le bombardier Lancaster et qui a produit dans les usines de Toronto ce même appareil-là. Ouais. Donc, c'est naturel, c'est naturellement eux qui vont reprendre la production au Canada. Mm-hmm. Pour des nouveaux types d'appareils. Et c'est à eux, donc, qu'on va demander de développer ce nouveau super chasseur canadien. Mais je reviens au contexte. Pourquoi, à ce moment-là, mm-hmm. après la Deuxième Guerre mondiale, on sent cet urgent besoin de développer un chasseur canadien? D'abord, la Deuxième Guerre mondiale est remplacée assez rapidement par la guerre froide, donc ce risque de conflit avec l'Union soviétique. L'Union soviétique développe ses propres armes nucléaires à la fin des années 40, et ils vont copier des bombardiers à long rayon d'action, par exemple le B-29 américains, ils vont avoir leur propre version. Et la menace d'une attaque nucléaire soviétique par-dessus le pôle, donc qui traverserait le pôle Nord, traverserait le territoire canadien pour attaquer les sites américains, devient réelle. Si bien que, enfin réelle, dans l'esprit des aviateurs canadiens et américains de l'époque. À la fin des années 40, déjà, on pense à mettre en place des systèmes de défense parce que l'aviation canadienne, après la guerre, elle se réduit comme une peau de chagrin. Oui. Donc, à la fin des années 40, on met en place des systèmes de radars qui vont être élaborés avec le temps et on met en place aussi des systèmes d'interception aérienne. Si bien qu'on a besoin d'un avion qui est capable d'intercepter les bombardiers soviétiques qui éventuellement se présenteraient par le Nord. Mm-hmm. Et ce fameux avion, donc on veut un avion efficace, on en dessine et on en définit avant même de lancer sa production, les caractéristiques. De quoi devra être fait mm-hmm. ce fameux super avion supersonique canadien? D'accord. Dès la fin des années 40, on entrevoit les développements dans le programme aéronautique. On veut d'abord un avion qui soit supersonique parce que la plupart des avions à l'époque sont subsoniques, donc ils ne vont pas à la vitesse du son. C'est le cas notamment du prédécesseur du Arrow qui s'appelle le Canucks, le CF-5 Canucks, qui est produit par Arrow aussi et qui va, si vous voulez, pouvoir servir à la tâche pendant un certain temps, mais c'est assez clair que bientôt on va avoir besoin des avions qui volent plus haut. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais un peu étonné d'entendre la déclaration du ministre Stivigny, parce que Avro devait justement servir à intercepter des bombardiers qui volaient très haut, qui volaient rapidement dans un grand espace. Et le Avro a aussi des caractéristiques qui le rendent très canadien. C'est-à-dire que, d'abord, ça va être un avion biplace qui peut amener un navigateur. Pourquoi? Parce que dans le Canada des années 40 et 50, il n'y a pas encore tous les systèmes de guidage qu'on peut retrouver ailleurs en Europe, ouais. notamment. C'est un avion aussi qui a deux moteurs parce qu'il doit être capable de voler suffisamment longtemps si un des deux moteurs tombe en panne pour rejoindre éventuellement sa base, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bases au Canada. Donc, il y a des caractéristiques comme ceux-là qui le font rendre peut-être moins intéressant pour d'autres théâtres d'opérations. Ça va durer une dizaine d'années, au fond, le développement du programme Arrow. Comment se déroule le développement de ce programme? Extrait de l'émission Caméra 58 du 30 novembre 1958. Voici l'Arrow, le premier chasseur supersonique tout climat de conception et de fabrication entièrement canadienne. L'idée du CF-105 remonte à 1951, alors qu'on a voulu renforcer la défense intercontinentale. Au départ, il s'agissait d'obtenir le chasseur le plus rapide, susceptible de grimper à des altitudes jusque-là inégalées. Trois années de travail acharné et des milliers de dessins plus tard, on obtenait un prototype miniature de ce que devait être l'Arrow. Le projet pouvait encore s'effondrer à la moindre erreur de calcul, mais les premières épreuves ont été probantes sur l'excellence du modèle. Celle de la rotation démontrait que le projet était sain à la base. Quoique les autorités se refusent à donner des précisions sur la performance exacte de l'Arrow, on peut conclure que sa vitesse dépassera facilement 1800 milles à l'heure. Pour pouvoir filer ainsi comme un bolide, cela suppose des mesures de précaution tout aussi extraordinaires. Le siège éjectable a donc fait l'objet de recherches patientes avant d'être mis au point. Il a fallu préparer 17 000 dessins et dépenser 200 millions de dollars avant d'en arriver à des résultats satisfaisants sur le CF-105. Maintenant, l'appareil a gagné ses ailes, il peut s'élancer vers l'espace. Quand est donc lancé? Officiellement, ça dure une dizaine d'années à peu près, mais ça commence quand? Puis comment, surtout, on en a une petite idée, là, mais une minuscule idée, parce que c'est une entreprise gigantesque. Comment va se développer cet avion, cet appareil, le CF-105? Ouais, les spécifications sont déterminées en 1949. Enfin, le programme lui-même va commencer en 1951, mais les spécifications déjà, ou ce qu'on voudrait créer, parce qu'on regardait ça à l'époque en disant que c'est pas possible d'atteindre des performances comme celle-là. Dès le début des années 50, donc, on se met à travailler sur le projet. L'idée, à l'origine, tenait la route dans le sens où le Avro ne voulait que construire la cellule de l'avion et l'agencement des différentes pièces. Mais les parties les plus technologiquement les plus délicates devaient être produites, achetées ailleurs, aux États-Unis ou en Angleterre. C'est le cas, par exemple, du système de radar, c'est le cas, par exemple, du moteur, c'est le cas des missiles et du système de mise à feu qui devait équiper l'Avro. Et un après l'autre, ces systèmes-là se révèlent soit inadaptés, soit déjà obsolètes, soit que les fournisseurs ne veulent pas les vendre parce qu'ils n'ont pas confiance dans la capacité des Canadiens de maintenir le secret industriel. Donc, il y a toute une série de problèmes qui se posent, si bien qu'on est obligé, à chacune de ces étapes, de dire, bon, mais on va en faire un maison. On va faire un moteur maison. On va faire un système de mise à feu maison. On va construire notre propre système radar. Avec la conséquence, naturellement, que les coûts augmentent de manière faramineuse. Dans bien des cas, les compagnies canadiennes n'ont pas, c'est le cas du radar notamment, n'ont pas la capacité de fournir ce que Avro souhaite pour son avion. Avec la conséquence qu'évidemment, donc, les coûts augmentent de manière absolument extraordinaire. Au début des années 50, on parlait des coûts de 1,5 million de dollars par avion. En 1959, on est rendu à 12,5 millions de dollars par avion. Donc, un avion qu'on veut vraiment le meilleur possible, qui deviendra, par la force des choses, entièrement canadien, ce qui jouera des tours à cet avion. Mais ça se développe graduellement, les dessins, les maquettes, les tests. Il y a un premier vol, il y aura un premier vol, mais le premier CF-105, ça c'est assez amusant, sort de l'usine le 4 octobre 1957. Là, le milieu de l'aéronautique au Canada se dit « Yes, on frappe un grand coup, ça va faire un coup d'éclat ». Pas du tout. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il y a quelque chose d'autre dans l'actualité et cette autre chose va avoir un impact majeur sur la suite des événements. C'est la mise en orbite par l'Union soviétique du premier satellite artificiel, le Sputnik 1. Chiche! Et donc, subitement, on se rend compte que les Soviétiques ont fait des progrès absolument extraordinaires dans le domaine de la balistique. Dans le domaine, donc, c'est pas tellement le satellite lui-même qui est inquiétant que le fait qu'il y ait une fusée qui est capable de monter à cette altitude-là et éventuellement, cette fusée, au lieu de transporter un missile, peut transporter une arme nucléaire. Ouais. Ça change complètement la donne stratégique. Bref, le lancement du Spoutnik dame le pion au CF-105, parce qu'on ne parle que de ça, puis en plus, sur le fond, ça change complètement la donne. Et ça pose cette grande question, est-ce que c'est encore les chasseurs qui sont le bon moyen de répondre à cette nouvelle technologie où on lance des missiles avec des fusées? Là? Et c'est le drame dans l'histoire du Arrow, parce que les problèmes se multiplient. On a déjà évoqué, par exemple, les problèmes de production, mais l'environnement stratégique change aussi. D'abord, on sait très bien que les Soviétiques, en octobre 1957, qu'ils ont une flotte de fusées suffisante pour attaquer l'Amérique du Nord. Mais on sait qu'à terme, cette menace va évoluer. On a encore besoin donc d'un intercepteur, mais pour une période de temps beaucoup plus courte. Autre chose aussi, la technologie d'interception des avions ennemis augmente. À l'époque, on pense utiliser des armes nucléaires. C'est-à-dire qu'on lance dans le ciel des armes nucléaires qui vont, dans un rayon d'un ou deux kilomètres, pulvériser tous les avions ennemis qui pourraient se présenter. Or, le Arrow n'est pas conçu pour cette mission. Donc, ça pose aussi un problème. Mais il reste que cet avion-là, il est en développement depuis des années. Il y a un premier vol qui aura lieu le 25 mars 1958. Donc, un an plus tard, même pas en fait, le 12 janvier 1959, après autant d'argent investi dans le Arrow, après 70 heures de vol, 66 sorties, 5 prototypes vont être cloués au sol parce que le gouverneur Diefenbaker décide que c'est fini. Mais il y a des pièces qui existent. On est vraiment en processus de production. Je comprends que les données changent, mais qu'est-ce qui fait qu'après autant d'argent, après qu'il y a des prototypes qui existent, qu'il y a des pièces qui soient disponibles pour la construction d'appareils, qu'est-ce qui fait qu'on décide d'abandonner le programme? Quels sont les motifs officiels, en tout cas, Stéphane Roussel? Le coût. Le coût de l'avion est devenu faramineux, non seulement donc en raison des problèmes de production et de mise au point de l'appareil, mais aussi le gouvernement canadien doit réduire ses commandes. Au début, le gouvernement canadien pense acheter 600 avions. On se rend compte que ça n'a pas de sens. On réduit cette commande-là à 400 avions, avec la conséquence que le coût augmente pour chaque avion. Et plus, on espère vendre cet avion-là à l'étranger. Or, les deux principaux clients, les États-Unis et l'Angleterre, ne sont pas intéressés à acheter. Il y a des discussions qui se font un petit peu, mais ça ne va jamais très loin, si bien qu'on se rend compte que même si on met ce prototype en production, le coût va être absolument astronomique. Puis au-delà de ces motifs officiels, donc évoqués par le gouvernement Diefenbaker, dont vous venez de nous faire part, il y a toutes sortes d'hypothèses qui vont aussi circuler sur les raisons véritables ou les autres raisons de l'abandon du CF-105. Le Radio-Journal avec Roger Bouchard. Le Globe and Mail fait état ce matin d'une note de service du Pentagone qui laisse croire que les États-Unis avaient exercé des pressions en 1959 pour que soit annulé le projet de mise en service de l'avion de combat canadien Arrow CF-105, à l'époque l'un des appareils les plus sophistiqués au monde. Le projet avait été annulé par le premier ministre Diefenbaker peu après une visite au Canada du président Eisenhower. Son annulation avait entraîné la mise à pied de 14 000 employés de l'avionnerie Avro. Peu de temps après, les États-Unis et le Canada signaient un accord de production conjointe et partagée d'équipements de défense. Les chiffres montrent que de 59 à 86, cet accord s'est soldé par un surplus de près de 2,5 milliards de dollars en faveur des États-Unis. La note de service a été découverte par M. Paul Campagna, un fonctionnaire à la défense canadienne, qui effectuait des recherches à la bibliothèque Eisenhower. Extrait du Radio-Journal du 21 novembre 1988. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, Stéphane Houssel, avec le recul, avec tout ce qui s'est ajouté comme information, des raisons, de toutes les raisons derrière l'abandon? Ça, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, les pressions des États-Unis. Qu'est-ce qu'on sait des raisons derrière l'abandon du CF-105 aujourd'hui? Il y a, au-delà des raisons financières, des raisons qui sont, si vous voulez, de nature stratégique. D'abord, à la fin des années 50, le Canada et les États-Unis terminent leur processus d'intégration de la défense nord-américaine. C'est la création du NORAD, donc le commandement conjoint pour la défense aérienne et éventuellement aérospatiale de l'Amérique du Nord. Or, les Américains ont un plan dans le cadre du NORAD, c'est de mettre en place non pas un système qui soit basé, un système d'interception des bombardiers soviétiques, non pas qu'il soit basé sur l'utilisation d'avions comme l'Avro Arrow, mais plutôt des missiles, notamment le missile Bismarck. Ce qu'on veut, c'est que le Canada adhère à ce système de défense contre les bombardiers soviétiques. En ce sens-là, il y a déjà des pressions américaines, si vous voulez, pour des raisons stratégiques. D'autre part, les Américains, les militaires américains anticipent une réaction très forte de la part de l'industrie aéronautique américaine si jamais les États-Unis participaient d'une manière ou d'une autre au programme du Arrow. Si bien que les Américains n'encourage pas ou ne soutiennent pas du tout le processus de développement du Arrow et au contraire vont dire au gouvernement Diefenbaker, il y a une alternative. Il y a le missile Bismarck qu'on peut mettre en service, qui va se révéler d'ailleurs encore plus problématique que le Arrow. Et finalement, le Canada va devoir se doter d'intercepteurs de conception américaine, en fait, le Vaudou, qui va remplacer, qui va prendre la place de ce que le Arrow devait prendre. Donc, il y a les données qui changent sur le plan géostratégique, les missiles qui arrivent, tout ça, mais il y a aussi une espèce de guerre commerciale, de protectionnisme de l'industrie aéronautique américaine. Absolument, parce que c'est vrai, tant en Angleterre, aux États-Unis qu'au Canada, parce qu'au Canada, si vous vous souvenez, l'origine même de tout ça, les militaires canadiens qui disent on doit avoir notre industrie nationale qui va pouvoir fournir au gouvernement canadien ce qu'il veut dans les délais qu'il veut, bien, c'est vrai dans tous les pays. C'est vrai en Angleterre, c'est vrai aux États-Unis, si bien qu'on tend à soutenir l'industrie nationale. Et il y a aussi ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire les liens extrêmement étroits entre les militaires, l'industrie et le gouvernement, qu'on retrouve au Canada aussi, parce que dans toute cette évolution-là, il y avait un jeu de relations très étroites entre le gouvernement, la compagnie Avro et les militaires canadiens. Ouais. Et chacun, sur le plan national, fait la même chose. En un mot, ça aura un impact. On l'entendait au début, là, c'est la fin d'un rêve, nous disait cet ingénieur qui a travaillé à cet avion, mais impact important sur le plan économique. Là. Qu'est-ce que ça va vouloir dire, l'abandon de cet appareil? Concrètement, on l'a entendu dans le reportage, il y a 14 000 emplois qui sont supprimés donc ce jour de février 1959, immédiatement, auxquels s'ajoute un autre 15 000, plus ou moins 15 000 emplois chez les sous-traitants. Donc, en quelques jours, vous avez 30 000 personnes sur le chômage. Plus que ça, c'est une industrie, c'est tout un savoir-faire, c'est toute une capacité technologique qui s'effrite. Une partie de ces gens-là vont aller aux États-Unis, vont travailler pour la NASA, vont travailler pour des compagnies américaines, vont se retrouver dans d'autres domaines. Mais on peut dire que le tissu industriel de l'industrie aéronautique canadienne, ce jour-là, il est déchiré, il est brisé. Il va ne se reconstruire que très lentement à travers d'autres programmes, dont le programme de Bombardier, le Regional Jet et la C-Series de Bombardier, en fait, dont l'ombre plane, en fait, tout au long de cette histoire-là, parce qu'il y a beaucoup de points communs dans cette histoire-là. Mmh. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? On a retrouvé récemment, là, il y a peut-être des éditeurs qui ont vu des reportages, on a retrouvé une maquette d'un appareil Avro Arrow dans le lac Ontario. Mmh. Au-delà de ça, ça c'est un vestige, c'est intéressant d'ailleurs, on voit que l'appareil est encore très, très bien préservé dans le fond du lac Ontario. Mais qu'est-ce qui reste de tout ça, de cette aventure-là? D'abord, au plan matériel, il reste à peu près rien parce que l'ordre du gouvernement canadien était de détruire tous les prototypes qui avaient été faits, détruire littéralement, les couper en morceaux. C'est pour ça que ce qui reste aujourd'hui, encore, vous avez quelques morceaux au musée de l'aéronautique. Vous avez, je pense, le nez de l'appareil. Vous avez un siège éjectable qui se trouve au musée de la guerre à Ottawa aussi. Mais autrement, il ne reste à peu près rien. Quoique circule une histoire probablement exagérée qu'il y a un avion qui aurait survécu, qui est caché quelque part. Ah bon. Bon. Ouais. Si bien qu'en termes matériels, il ne reste pas grand-chose. Par contre, au plan, si vous voulez, identitaire ou au plan collectif, il y a dans la mémoire collective des Canadiens, surtout au Canada anglais, cette idée vraiment du rêve brisé. C'est-à-dire que le Canada pouvait s'affirmer dans un domaine qui était très prestigieux et que ça a été cassé. Ça a été cassé par les politiciens, ça a été cassé par les manœuvres des Américains, ça a été brisé par la loi du marché. Donc, toutes des choses qui, somme toute, en bout de ligne, disent bon, on aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire et on a raté notre coup. Et encore, si vous écoutez ce qui s'est passé au cours des derniers mois avec la saga entre Boeing et Bombardier, ça ressemble énormément. Mmh. Occasion ratée. Occasion ratée. Stéphane Roussel, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec, merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Tania Gancheva. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.